Très bel après-midi, merci d'écouter nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Brexit means Brexit. Cette semaine, histoire d'une séparation. Si un membre majeur dit à la majorité, en somme, nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. De l'après-guerre aux lendemains incertains. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Brexit means Brexit. L'épopée du Brexit. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. The British people took in a referendum. On a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme, en gros, des demeurés. The UK has voted to leave the European Union. Pour ce nouvel épisode consacré au Brexit, nous retrouvons nos deux invités d'hier, toutes deux spécialistes de l'économie britannique, Sylviane de Saint-Seine et Marie-Claude Esposito. Sylviane de Saint-Seine, on va parler de la relation du Royaume-Uni avec l'Europe. Vous indiquez dans votre article que ce même Royaume-Uni a longtemps été bénéficiaire, voire même le plus important des bénéficiaires, du traité de Rome. Alors comment arriver à comprendre, moi qui débarque complètement dans cet univers-là, le fait d'à la fois d'être bénéficiaire, mais d'être, comment le qualifier, un bénéficiaire méfiant? Je pense que le vote du Brexit... pour le Brexit, était une position de principe, que ça n'était pas des considérations financières ou même économiques qui les a conduits à voter pour quitter l'Union européenne. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, à savoir qu'en réalité, les décisions de Bruxelles sont beaucoup plus collectives, que c'est intergouvernemental et que par conséquent, le gouvernement britannique en fait acceptait, validait les décisions qui étaient ensuite appliquées par la Commission. Mais néanmoins, je pense que l'indépendance n'est pas un vain mot là-haut. Marie-Claude Esposito, si on devait un peu solder des comptes de la victoire, en juin 2016, au moment donc du vote, qui finit par l'emporter? Est-ce que c'est le populisme ambiant dont on voit d'ailleurs depuis 2016 à quel point il n'a cessé de s'imposer sous grand nombre de latitudes? Il y a un autre vainqueur ou il n'y a qu'une somme de perdants? C'est une question piège. Ah oui, ça fallait vous y attendre. Hein. Pas de pitié. C'est un peu tôt pour pouvoir savoir s'il n'y a que des perdants. Vous disiez quand même beaucoup de fake news. Donc Oui, il y a eu beaucoup ça. Mais je pense que le Brexit, ça n'est pas qu'une manifestation du populisme. Je pense qu'il y a d'autres choses en jeu, comme, vous voyez, cette idée de vouloir revenir Global Britain. Je crois que ça, c'est très important. Vous parlez d'identité, là? Il y a un problème d'identité, oui. Le Royaume-Uni, c'est, d'un point de vue constitutionnel, un État unitaire. D'accord? Mais, depuis Blair, le pouvoir central a dévolu un certain nombre d'activités à des assemblées régionales ou à des parlements nationaux. Il y a un parlement en Écosse. Et donc, ces assemblées générales, parlements nationaux, ont gagné du pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on a vu se profiler avec le Brexit? L'Écosse a voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne et voudrait rester dans l'Union européenne. L'Irlande du Nord a voté elle aussi majoritairement pour rester dans l'Union européenne, mais on a quand même une fracture entre les protestants et les catholiques. Les catholiques ont voté pour rester dans l'Union européenne, les protestants pour rester rattachés absolument au Royaume-Uni. Le pays de Galles, alors c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez... Beaucoup de variété dans la votation. Oui, oui. Ouais. Donc voilà, on a quand même une crainte, je pense. D'ailleurs, Theresa May a eu très peur de ça, que le Royaume-Uni se disloque. Ce qui l'a aidé, peut-être, c'est aussi la réaction de l'Union européenne, qui a fait comprendre tout de suite aux Écossais qu'il n'était pas question que ce pays puisse rentrer comme facilement dans l'Union européenne. Une façon aussi de faire coup double avec la Catalogne. Voilà, parce que autrement c'était le début de la désintégration. De la peau de léopard. Voilà. Revenons à la Banque d'Angleterre, si vous le voulez bien, Sylviane de Saint-Seine. Contrairement aux idées reçues, ça vous m'avez aidé à le savoir, la Banque d'Angleterre a plaidé pour une zone euro plus forte. Oui. Alors, je me suis interrogé, est-ce que c'était dans son esprit une forme de condition pour elle de son intégration dans le futur, ou bien qu'attendait-elle ? Moi, je ne crois pas. Vraiment, je ne pense pas que les Anglais veuillent intégrer l'euro. Par contre, qu'ils veuillent que la zone avec laquelle ils ont des échanges commerciaux et autres importants, que cette zone soit stable et fonctionne bien et correctement et de façon optimale, oui. Ça, c'est important. Les Anglais considèrent, mais je pense que à peu près beaucoup de gens sont d'accord, que la zone euro telle qu'elle est actuellement n'est pas optimale. C'est-à-dire que pour qu'une zone monétaire monétaire fonctionne bien, il faut que si une région, par exemple, traverse des difficultés, qu'il y ait des transferts budgétaires d'une zone à l'autre, d'une zone prospère à la zone moins prospère. Il faut aussi une flexibilité en ce qui concerne le marché du travail. Il faut. Alors là, ça va être plus difficile parce qu'on a des problèmes de langue en Europe. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a une crise ou des problèmes, je dis n'importe quoi, au Wyoming, vous prenez vos clics et vos claques et vous allez dans le Wisconsin ou vice-versa. Il y a ce problème de langue, donc au moins qu'il y ait des transferts budgétaires importants, et ça n'existe pas, ou pas avec l'ampleur que ça devrait avoir. Il y a les fonds structurels, certes, nous le savons en Europe, mais ça ne suffit probablement pas pour faire face à des difficultés conjoncturelles. Il y a une longue histoire à raconter également, c'est ce couple infernal qui est livre sterling euro. On a l'impression que en aucun cas il n'y ait pu y avoir entente, accord. Est-ce que de mémoire, quand l'euro apparaît, est-ce qu'il y a eu de longues tentatives de séduction de la part des Européens pour essayer de convaincre de la beauté du billet ? Alors, on revient à Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier de Madame Thatcher. Il était très favorable à ce que la livre sterling se joigne. Alors, non pas à l'euro, ça n'existait pas encore, mais au système monétaire européen qui était une sorte de précurseur de l'euro. S'y joignent de quelle façon ? Adhèrent à ce mécanisme de change européen. Et Thatcher était totalement opposée à cela. C'est pour ça, n'est-ce pas, à ce propos, finalement, on ne peut jamais dire l'Angleterre veut que ou l'Angleterre. Je veux dire, même au sein d'un gouvernement, vous pouvez avoir des différences d'opinion très, très vives. Et pourquoi est-ce qu'il voulait ça ? C'est parce que le sterling n'était plus, à cette époque-là, considéré comme une monnaie très crédible. Donc, s'il l'arrimait aux marques, parce qu'en pratique, faire partie du mécanisme de change européen ou d'un système, c'est arrimer votre monnaie aux marques. De facto, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, le sterling, du coup, avait une crédibilité que lui prêtait le Deutsche Mark. Et du coup, les investisseurs pouvait acheter du sterling en étant à peu près sûr qu'il ne perdrait pas au change. Exactement, que cette monnaie ne se dévaluerait pas. Bon. C'était ce qu'il voulait. Et Thatcher disait non, c'est complètement irréaliste. Et en fait, elle n'a pas eu tort. Parce que finalement, vous vous souvenez peut-être que Thatcher a été en quelque sorte renversée par une espèce de putsch au sein du Parti conservateur. Et à la suite de quoi ses successeurs ont décidé de faire rentrer. Ah, Alors, je me trompe. En fait, je crois que c'est Souzel, mais à la fin de sa... De son dernier mandat. De son dernier mandat que Sterling est entré dans le mécanisme de change européen. Et en fait, assez rapidement, il en a été expulsé avec perte de fracas par une vague spéculative absolument formidable dans laquelle s'est illustré, comme chacun sait, M. Soros. Bon, alors pourquoi est-ce que le sterling est plus vulnérable à la spéculation ? Eh bien, d'abord parce qu'elle est tout simplement plus échangée, elle fait l'objet de davantage d'échanges, et aussi c'était considéré comme une monnaie pétrolière, et enfin, quoi qu'il en soit, elle est plus ouverte au vent du large et donc plus susceptible de faire l'objet de vagues spéculatives immenses. Et c'est effectivement ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Anglais sont très réticents à l'idée d'entrer dans ce mécanisme de change européen. Alors, si vous faites partie de l'euro, théoriquement, vous n'avez plus ce risque. Voilà, vous êtes arrimé à votre Deutsche Mark. Je crois qu'ils tiennent à avoir cette flexibilité de dévaluer la monnaie quand les choses vont mal. Et ils savent par le passé que les choses ont pu mal aller. Exactement. Et ils ne veulent pas être pris dans ce carcan que peut être l'euro. C'est-à-dire, l'euro peut être la meilleure ou la pire des choses, quoi. Soit vous imposez une discipline de fer pour ressembler à l'Allemagne, et votre population est d'accord pour le faire, ou non, et auquel cas vous n'avez pas les moyens de redresser votre compétitivité, puisque vous êtes privé de l'arme de l'évaluation. Mais voilà, encore une fois, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Cette semaine, histoire d'une séparation. The British people took in a referendum. L'épopée du Brexit. The UK has voted to leave the European Union. Sylvain de Saint-Saëns, est-il possible, par vous en tout cas, si toutefois vous l'avez suivi, de savoir comment, à partir de juin 2016, l'évolution sur le plan économique s'est passée en Grande-Bretagne ? On est encore, à l'heure où nous parlons, dans une sorte de no man's land, de drôle de guerre, période comme ça faite d'incertitudes, mais qui souvent, la nature et l'économie ayant horreur du vide, peut se traduire déjà par des mouvements. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire sur, entre juin 2016 et le moment où nous parlons, des conséquences déjà qu'ont pu avoir cette votation ? Jusqu'à une époque très récente, il n'y a pas eu de conséquences économiques néfastes. Là, depuis quelques mois, les choses changent. Par exemple, la croissance du PIB en décembre 2018 a été négative. Bon, est-ce très significatif ? Je ne sais pas. Et puis ensuite, on peut imaginer que l'Angleterre n'est pas protégée des vents du large. On sait que en ce moment l'économie mondiale décélère, que à cause des notamment des tensions américano-chinoises qui pèsent sur les marchés. Paradoxalement, enfin, je veux dire, le Brexit fait aussi partie de ces incertitudes mondiales qui pèsent sur les perceptions des entreprises et des particuliers. Conclusion, les prédictions les pires faites par les Remainers, ceux qui étaient pour le maintien dans l'Union européenne ne se sont pas réalisés, mais en ce moment, dans cette période d'extrême incertitude où nous sommes, quant à quelle forme va prendre le Brexit, ou même s'il y en aura un, après tout, on ne sait pas, il y a quand même toujours des gens comme Tony Blair qui militent pour un nouveau référendum, eh bien, en ce moment, il y a un fléchissement, ça n'est pas très étonnant, les entreprises sursoient à leurs investissements, notamment, c'est là où il y a une baisse importante, les investissements, elles retiennent leur souffle en quelque sorte. Elles ne prennent pas de décision d'investissement significatif tant que le paysage ne se sera pas sorti du fog. Oui, c'est ça, sorti du brouillard. Absolument. Alors, il y a l'économie, Sylviane de Saint-Saëns, puis il y a les gens. Et les gens peuvent être directement affectés par le choix, quel qu'il sera. Il en va des citoyens britanniques qui peuvent résider ou travailler en Europe. De la même manière, il peut en être aussi de même pour les Européens qui se trouvent actuellement sur sol britannique. Vous auriez été, vous, à ce moment-là, à l'agence Reuters à Londres, et puis vous voyez la dépêche qui tombe, et puis on vous demande de faire rapidement vos valises. Oui, mais justement, ça n'est, je crois avoir compris que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont trouvé un terrain d'accord sur le sujet, que tout ça va correctement se passer. Donc il y a des points de, il y a des points où on s'accorde. On sent quand même que le dialogue Europe et Royaume-Uni en ce moment n'est pas toujours... On sourit parce qu'il y a des photographes, mais... C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est tactique de négociation... Influence... Et ce que les Anglais appellent brinkmanship, c'est-à-dire la stratégie du bord de l'abîme. C'est-à-dire que si vous êtes un bon négociateur, vous... Enfin, vous poussez loin le bouchon. Vous pouvez pousser très loin le bouchon et effectivement faire peser la menace d'une rupture, ce qui incidemment n'arrangera personne. Hein. Enfin, un Brexit dur, ça n'arrangera pas plus, je pense, les partenaires commerciaux. Oui, mais il y a des perdants moyens, puis il y a des perdants beaucoup. Ah, écoutez, moi je pense que si les Allemands ne peuvent plus vendre leur BMW en Angleterre, et si ça sera dur quand même. Ou enfin, ne peuvent plus. Disons, les verront freinés par des taux des droits de douane importants, supposons. Non, je pense que ce sera négatif pour tout le monde. Peut-être, sans doute plus pour les Britanniques, oui, mais pour nous, Européens aussi. Donc, sur le Brexit, il y avait Jean-Louis Bourlange, vous voyez sans doute cet homme politique du centre. Député européen, notamment. Député européen, très europhile, qui avait dit un jour, avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied dedans et un pied dehors, et après le Brexit, il aura un pied dehors et un pied dedans. Et en fait, je suis assez... Enfin, j'espère, je suis assez convaincue que c'est quelque chose comme ça qui nous attend, je pense. Il faut espérer que les gens seront assez raisonnables. Vous vous souvenez, Sylviane de Saint-Saëns, où vous vous trouvez le jour où vous apprenez que James Cameron a pris la décision qu'il a prise ? Non, je ne me souviens pas où j'étais, mais je n'aurais jamais soupçonné que les Britanniques voteraient pour le Brexit. Ça, c'était vraiment une surprise, oui. Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. C'est une victoire pour les gens normaux, les gens honnêtes. C'est une victoire contre les grosses banques, le gros business, contre la grosse politique. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt. J'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs. Son camp vient de l'emporter. au terme d'une nuit pleine de suspense. Vous attendiez à quoi? Oh, bon, une sorte de 60-40 Non, mais un 50... je sais pas, un 53... Enfin, bon, évidemment, ma vision des choses a dû évoluer au fur et à mesure des sondages, mais non, je pensais qu'il resterait. Oui, ça semblait là, tellement plus raisonnable. Encore une fois, j'y vois une position de principe et, au contraire, ils ont refusé de prendre en compte des considérations économiques. Après tout, le peuple du Royaume-Uni a le droit de vote, donc voilà. Mm-hmm. Simplement, il y a une personne qui l'y a engagé, et cette personne se nomme James Cameron. James Cameron, peut-être trop confiant, ouvre une boîte de Pandore. Certainement, absolument. Oui. Et depuis, il ne fait plus de politique. Oui. C'est remarquable, ça, quand même. Oh non, alors je ne suis pas d'accord pour tomber comme une tonne de briques sur ce pauvre Cameron. Pauvre Cameron? Oui, pauvre Cameron, oui. C'est... Bah, parce que vous l'avez vu récemment mendier son gagne-pain. Il non, est au mais... chômage. De non, comprendre. Mais attendez, on voit partout des commentaires comme quoi c'est le pire Premier ministre britannique de l'histoire du Royaume. N'allons pas là, mais sur cette décision-là. Oh, alors écoutez, il ne faut pas aller très loin pour trouver des décisions de référendum assez malvenues. Puis-je évoquer M. Chirac en 2005, hein, ou même à la limite le président Mitterrand en 1993. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet vraiment intéressant, c'est-à-dire que 2005, les Français votent non, mais peu importe. Voilà, on dit que ces pauvres gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre et pour voter de la façon correcte, ou bien alors on se plie à leurs décisions. Mais, alors on fait comme Brecht, si vous n'aimez pas ce peuple, changez-en. Exactement. Cameron, oui, bah, écoutez, il est confronté à ce clan anti-Union européenne au sein de son parti. Il espère, et j'imagine qu'à l'époque, il avait toutes les raisons de penser qu'il gagnerait donc les faire taire une fois pour toutes, parce que ça fait quand même des éternités que ce parti se divise sur cette question. Et puis voilà, c'est un pari qui tourne très très mal, mais là je pense franchement que la question de l'immigration et de la décision de Mme Merkel a pesé. J'en suis convaincue. Et ça, je pense qu'il ne pouvait pas la prévoir. C'est une décision, selon vous, personnelle ou collective qu'il a prise là, James Cameron? Oh. Bon, je ne pense pas qu'il ait été isolé en prenant cette décision. Je ne vois pas, non, comme l'initiative d'un seul homme, non. Vous avez évoqué la voix de Tony Blair, essayant de pacifier un peu le secteur. Est-il encore audible, Tony Blair, en Angleterre, au Royaume-Uni? Il a certainement encore des partisans et des admirateurs, mais non, l'Angleterre n'est pas, contrairement à la France, un pays où les hommes... politique ne décroche jamais. Blair, on n'entend absolument pas parler au sein des instances du Parti travailliste. Il est quand même très, très sorti de tout cela. Ça ne l'empêche pas de s'exprimer. Il a quand même marqué une position, là. Il a marqué des positions, mais pas, je dirais, il ne fait pas partie de l'establishment du Parti travailliste. Depuis que je fais de la politique, il y a eu des périodes de crise en Europe. Et ces crises ont toujours été utilisées par les eurosceptiques pour affirmer que le projet européen allait se décomposer. Ça ne s'est jamais produit. Ce projet continue et continuera parce que la raison d'être de l'Union européenne est très forte, très puissante, dans un monde qui, dans les prochaines années, sera de plus en plus dominé par des géants, l'Amérique, la Chine et potentiellement l'Inde. L'Union européenne et ses membres ont besoin de rester unis et forts pour protéger leurs valeurs et leurs intérêts. Et grâce à cette vue d'ensemble logique, l'Europe surmontera au final toutes ces périodes de crise, même si elles sont graves. Ça ne m'a pas tout à fait répondu à la question. Est-ce qu'il est encore audible? S'il prend la liberté de dénoncer un propos publiquement, sachant qu'il sera forcément... Écoutez, repris par la... Dans la mesure où ça a été porté jusqu'à 12 oreilles lointaines, oui, bien sûr. Alors, ceci étant, il représente les néo-travaillistes, qui, comme vous savez, en ce moment, ne sont pas, en tout cas, dominants au sein du Parti travailliste, puisque c'est Jeremy Corbyn qui est marqué beaucoup plus à gauche. Et donc, cette aile réformiste ou néo-travailliste, pour l'instant, est plutôt discrète, bien sûr. Vous suivez sans doute toujours, Sylviane de Saint-Saëns, la presse britannique. On en est où quand on ouvre les quotidiens? Ça ferraille, ça dispute, ça polémique, c'est calme, c'est endormi, chloroformé, ça ressemble à quoi en ce moment? Parce que j'imagine que tout est polarisé autour d'eux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque Mme May a présenté son plan à l'issue de ces négociations avec Bruxelles, tout le monde lui est tombé dessus comme une tonne de briques, pour reprendre une expression britannique. Et évidemment, comme tout compromis, ça ne satisfait personne. L'Europe en sait quelque chose, les compromis, ça lui retombe souvent dessus. Exactement. Et c'est vrai qu'il ne semble pas y avoir de bonne issue à ce problème, parce que si elle sort de l'Union européenne tout en restant dans une union douanière, l'Angleterre se sera finalement simplement privée de peser au sein des instances européennes, ce qui serait quand même paradoxal. Alors, est-ce qu'elle peut négocier une union douanière tout en en obtenant des compensations ou des avancées sur certains points de l'Union européenne? Ça, c'est possible. Et nous ne savons pas. Should I stay or should I go? Pour avoir fait une série sur les lobbies en Europe en 2009, et apprenant que depuis 2009, ceux-ci ont doublé à Bruxelles, de 15 000, ils sont passés à 30 000, et que la présence des lobbies britanniques n'est pas mince, selon vous, seront-ils appelés à déménager et à dévisser leurs plaques de cuivre une fois que la décision politique aura été entérinée? Je suis incapable de répondre à cette question. Elle vient de me traverser l'esprit. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Était avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré au Brexit, Sylviane de Saint-Saëns et Marie-Claude Esposito, spécialistes toutes deux de l'économie britannique. Brexit means Brexit. Ce mot est l'abréviation de l'expression British Exit, qui désigne en anglais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Should I stay or should I go now? Demain, départ pour le Nord avec Marc Belloni. Nous évoquerons les termes de son article, les enjeux géopolitiques d'un territoire périphérique. Should I stay or should I go now? Durant l'été 2016, lors d'un vote, 52% des Britanniques ont en effet décidé de quitter l'UE. Should I stay or should I go now? Ils en faisaient pourtant partie depuis 1973. Leur pays était même l'une des trois grandes puissances de l'Europe politique, avec la France et l'Allemagne. Should I stay or should I go? Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. En 1998, après des décennies de déchirures et de violences, les deux Irlandes suppriment leurs frontières. Depuis lors, 30 000 personnes la traversent chaque jour. Mais le référendum britannique de 2016 remet en question l'accord de paix. L'Irlande, le nœud gordien du Brexit, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. The UK has voted to leave the European Union. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.